Laissez-moi y croire, laissez-moi dire, on peut changer l'histoire. Si c'est la mer libre, on peut s'envoler. Qu'on me délivre, je sens que je vais tout faire. Pour ce mini, mini, mini, mini, mini, ce mini, mini, world, mini, ce mini, mini, world, mini, mini, j'ai l'impression de courir au ralenti. Ha ha ha!